Nettoyage. Fais péter la terre. Thank you. Ta funk. Non, c'est mieux que ta funk. quoi la basse de ça là? Thank you. c'est bas, c'est bon. Pourquoi je n'entends pas la batterie là, putain? Oui. fallu une vingtaine de tours pour comprendre que je faisais une fausse note. C'est des chorus. Ça va? Non, il n'y a pas de chorus pourtant. Ils ont mis un compresseur, une simulation d'ampeg. Attends, il y a un stéréotune. Ah, mais c'est le stéréotune qui fait ça, faut voir. Regarde. Si, c'est ça qui est fait. Là, je l'ai enlevé. Stéro, mais forcément ça fait un effet T. Ça fait un peu un chorus, ouais. Mais ça s'appelle stéréo tune. Thank you. kill him one. Vous êtes deux batteurs. Jean-Pierre, tu connais John ? Il fait bien, John. Thank you. Hello guys. Ah, yeah, yeah. I put yesterday. I forget. Change the percent. Normal now. I'm used with Angie and Andrew. Yes. Thank you.